Everyone in place? Let's go. Ça fait quoi d'être un champion de football américain? Bluffant, non? Tous ces vivats à votre entrée sur la pelouse, les chocs avec les joueurs adverses et cet essai d'anthologie derrière l'embute, l'espace d'un instant, c'était vous, le dieu du stade, acclamé par une foule en délire. Ces moments extraordinaires dans la vie d'un joueur, vous avez pu les vivre comme si vous étiez en chair et en os dans le Memorial Coliseum de Los Angeles. Enfin... presque. En réalité, c'est un mannequin qui a joué ce rôle à votre place. Et pas dans un stade, mais dans un studio d'enregistrement. Pour obtenir cet effet spectaculaire, c'est tout simple. Il suffit de placer deux micros au niveau des oreilles du mannequin et des spécialistes du bruitage. Lui tourne autour pour recréer l'ambiance sonore correspondant à une jungle ou à un stade. Les oreilles micro captent alors les sons venant de la gauche ou de la droite, exactement comme l'auraient fait vos propres oreilles. Aujourd'hui, des logiciels permettent de remplacer les mannequins, mais le résultat est le même. En écoutant les sons 3D avec un casque stéréo, votre cerveau se laisse berner et vous avez l'impression d'être au cœur de l'action.